Bonjour à tous et bienvenue dans la 47e des émissions. Ouais ouais. Et en ce vendredi 20 juillet, j'aimerais tout d'abord souhaiter un bon anniversaire à notre premier candidat, Bilal. Ouais, c'est payé 10 jours, mais on s'en fout. Ok, j'ai eu bon anniversaire, Bilal. Merci. Bon anniversaire, Bilal. On peut dire merci, que la France est championne du monde. Ouais, ouais.